quelques rares visites chez des parentes à qui elle avait des devoirs à rendre en janvier ou à de certains anniversaires en mai, des séances d'études au salon depuis qu'elle travaillait la sculpture, et c'était tout. Il lui était donc facile de remonter dans ses souvenirs en se demandant où elle avait vu l'homme de son monde qu'elle accepterait pour mari et qui pouvait prétendre à sa main. Évidemment, elle n'avait pas à chercher au salon. Jamais personne n'y avait fait attention à elle. Tout d'abord, elle en avait été mortifiée, s'imaginant qu'elle valait bien un regard. Mais elle n'avait pas tardé à comprendre que ceux qui ne la connaissaient pas n'allaient pas accorder ce regard à une fille simplement habillée, que pour le costume on pouvait prendre pour une jeune femme de chambre accompagnant sa maîtresse plutôt que pour une fille de grande maison accompagnée de sa gouvernante. C'est donc seulement dans des visites qu'elle avait pu se rencontrer avec ce mari, et parmi les jeunes hommes qui semblaient réunir les qualités dont parlait son oncle, elle n'en trouvait qu'un, un seul qui les eut toutes, celle-là et beaucoup d'autres qu'elle était disposée à lui reconnaître, le comte d'Unière. En tout, elle ne l'avait pas vu trois fois, et ils n'avaient pas échangé 10 paroles. Mais certainement, il était le seul qui fut l'incarnation vivante de l'être idéal dont elle avait si souvent rêvé. Pourquoi ? En quoi ? Elle eût été bien embarrassée de le dire, ne sachant rien ou presque rien de lui. Mais enfin, elle sentait qu'il en était ainsi.